Poilus, de Sigolène Vinson et Yves Ramonet. Septième salve. L'oiseau, nid d'espionne. Tenez. Oh, merci. Oh, mais qu'est-ce que c'est ? De l'eau. De l'eau ? Dans une flasque à whisky ? En temps de guerre, cher baron, l'ivresse vient du flacon. C'est Groin de Cochon qui l'a confectionné. Admirez le travail d'orfèvre. Ah, Groin de Cochon. Comment est-il sans son masque ? Je l'ignore. Il le porte jour et nuit. Remarquez, ça lui donne un genre. Un genre ? Ben oui. Le genre cochon. Votre eau, là, elle est chargée en fer, quand même. C'est celle de la dernière pluie. Elle a entraîné toute la tranchée. Alors, odeur de sang, odeur de fer. Ne cherchons pas à comprendre plus que nous ne le pouvons. Enfin, heureusement, Biribi est là pour colmater les brèches. Biribi. Bel homme, lui aussi, hein ? Je n'ai pas d'avis, cher baron. Brute épaisse, matinée de raffinement. Vous avez vu comme il a les yeux fixés sur mon manteau ? Mais tous les soldats le regardent avec envie, votre truc en plume. Ils ont froid. Mon truc en plume ? Non, tâtez-moi ça. Touchez-la. Non, je vous remercie. Oh, bah. C'est de l'ours de Sibérie. Vous savez quelle température il fait là-haut ? Non. Von Richthofen se pense invincible dans son vison. Eh bien, peut-être a-t-il raison. Rassurez-moi, vous ne comptez pas vous mettre en ménage. Avec Biribi. Disons que pour l'amadouer, je vais d'abord lui offrir le damier récupéré sur l'avion allemand que j'ai abattu. Il joue aux échecs, je crois. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que cette guerre ne se gagnera pas dans les tranchées. Vous avez raison. Si Biribi m'aide à redresser mon avion, ce sera dans les airs. Je pensais plutôt dans les boudoirs. Confidence, diplomatie, espionnage... Elle n'est quand même pas en train de nous dire qu'elle travaille pour les services secrets. Je crains que si. Oh, je vous jure, faut que je l'aime, ce Maurice. Maurice qui ? Maurice Chevalier, voyons. Oh. Blessé et désormais prisonnier des Allemands. C'est vrai qu'il est plutôt bel homme. Vous avez bon goût, mademoiselle Coco. Vous aussi, baron. D'ailleurs, votre manteau de fourrure vous sied à merveille. Mon Dieu, j'ai l'impression d'entendre Coco Chanel flatter Boy Capel. Donc, mademoiselle Loiseau, vous vous êtes faite espionne ? Exactement, et pour libérer Maurice... Excusez-moi de me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais quelqu'un s'en est déjà chargé. Quoi ? Qu'est-ce que vous racontez, monsieur Dreyfus ? J'ai appris ça en allant nettoyer une tranchée adverse. Le coup viendrait de Miss Tinguette. Oh la saleté ! Déjà qu'elle me pique mes contrats ? Elle aurait donc fait libérer Maurice ? Et comment, je vous prie ? C'est la plus mauvaise espionne que je connaisse, elle jacte à tout va ? D'après ce qu'on m'a dit, par l'intermédiaire du roi d'Espagne. L'intermédiaire, mes fesses, oui. C'est-à-dire que j'ai eu la même idée, sauf que moi, j'ai dû me coltiner Fernand Sanzi Martinez de Arizola, le frère du roi, illégitime en plus. Vous savez, moi, ce qu'on m'a dit, on me l'a dit en allemand. Alors, fils, frère, roi, c'est sans importance, ça. Ça ne me fait pas rire. Le roi d'Espagne ? Alphonse XIII lui-même ? Ah ben oui, je n'en connais pas d'autres. Je le connais aussi très bien. Nous sommes parents proches depuis son mariage avec la princesse Victoire Eugénie de Battenberg, dont un cousin au troisième degré s'est uni à une nièce de mon trisaïeul du côté de ma mère. Bon, d'accord, mais pourquoi faire appel à lui ? Parce qu'il est neutre. Et surtout, surtout, parce qu'il a créé le bureau des prisonniers de guerre, chargé de fournir des réponses aux familles des soldats prisonniers en zone de combat. Une opération humanitaire, si vous voulez. Une opération quoi ? Humanitaire, c'est un nouveau terme qui ne veut rien dire, mais qui pourrait un jour faire... fureur. Baron, faut qu'on se trouve une espionne. Une vraie. Miss Tinguette. Elle est jolie, non ? Enfin... Vous lui trouvez un genre, comme vous diriez. Vous savez, moi, les femmes... Mais non, vraiment. Même en faisant un effort, Miss Tinguette, aucun genre. Ça n'est pas Marthe. Marthe ? Qui est Marthe ? Marthe Richard, la meilleure d'entre nous. une aviatrice d'exception. Ah, si seulement ils avaient accepté qu'elle rentre dans l'escadrille, elle vole et dézingue comme aucun des pilotes que j'ai eu sous mes ordres. Un vrai mec. Ah, un vrai mec. Et comme espionne ? Du tonnerre. Du niveau de Matahari. Matahari ? Ah bah on, ne me dites pas que celle-là n'a pas un genre. Ah si, le genre traître. Donc l'espionnage pour nous, vous n'y croyez pas ? Je crois en l'élégance et en l'honneur. Valeurs en baisse dans les antichambres de la République. Donc on n'espionne pas ? Non. Non. On mitraille. Sec. C'était Les Poilus de Sigolène Vinson et Yves Ramonet. Septième salve. Avec Olivier Clavry, Alain Fromager, Catherine Tartarin, Julien Alouf. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Équipe de réalisation, Éric Boisset, Jean du Cimetière, Vivien Demeyer, Jean-Mathieu Zang.